Merci docteur. Allez, là. Avec le nouveau manteau, c'est chouette. Papa, file-moi. Papa, file-moi. Bébé. C'est ça, il y a un moment de C'est un moulin de meunier. casse. Regarde, maman, elle va toucher la moule. Attends. Ah, c'est la moule du lundier, ça. Lundier. Non, papy, il n'est pas méchant, il est gentil, Charles Meunier. Attends, comment on va faire? C'est la vraie question, hein? Attends, comment on va le faire? Mais il a de nos guerres, votre fiche, il n'aime pas que c'est cadeau de ce Charles. Tu as cherché Nils? J'ai dit, j'avais le marqué, hein? Ah, mais l'état de la salle, c'est bien. Sa mère, alors, il s'en est discuté, il y a l'air, mec. Ah, il y a quand même une idée, hein? Alors, l'état de la salle, c'est bien. On va mettre le moulin. Ah oui, papa va mettre. So, trinque des portes, papa. Hache le remède. Ah, hache. Là, il a pas fait le moulin. Buvez les ailes. Ah oui, mais je crois que... Sinon, ça ne va pas. Ah oui. Je vais faire un autre fauteuil. Oh, tu vas ça. Où tu veux mettre ça? ça. Ah, tu veux le poser tout seul? Comment avec ça? Mais pas que tu veux le poser tout seul. Tu es content, mon homme? Tu n'es pas content? Eh, bah dis donc. Regarde, tu sais ce que c'est, ça? Regarde, tu sais ce que c'est? C'est du petit bois. Faut mettre dans la cheminée. Faut mettre dans la cheminée de la ferme. Hein? Non, faut pas le mettre là-dedans. Eh, maman, elle va. On va chercher un mouchoir, hein? Bonjour docteur, bonjour docteur. Docteur, j'ai mal à la jambe. Est-ce que tu n'as pas bien roulé? Je me suis donné pas comme ça. Assieds-toi voir juste là, à côté de la ferme. Hey. De mal. Bon. Et vous savez quoi, je vais enlever cette lampe. Hein? Oui. Elle bouge toute sa place. On n'a pas besoin de voir la belle. Tu fais un sourire à papa. Tu fais un sourire à papa. Non, je m'en frappe. Non, t'as un beau sourire. Tiens, faut dire à tu m'as fait. Alors. Mais ça, on peut bien écouter les trucs. C'est vraiment une fois. Je vais débrancher un peu derrière. On la sort parce qu'elle est enlevée dans le jet dedans. Maman, est-ce que tu manges des saucisses Saint-Jacques? Non. Non. Eh bien, j'ai apporté des jambons pour toi. Hein? Papa, il a mangé. Maman, saucisses Saint-Jacques et des champignons d'Autriche. Maman, docteur. Maman, j'en ai craqué le moule au nez, c'est nul. Maman, docteur. À l'année prochaine, oui. À l'année prochaine. Oui. On va. À l'année prochaine. Ah. À l'année prochaine. D'accord. Est-ce que tout ce cadre est pas qu'il est là-bas? Bien. Vous savez où il est? Non. Ah, trop, pas bon, trop. Bien. Ça va aller venir? Bonjour. Ah, bien. Tu vis des frites dedans. Et ouais. Bonjour, docteur. Bonjour. Je vous appelle Charles Finger. Papa s'en va. Come dicevo, sono amici a tutti della sciamba. Che il tavolo è alto, mi dici prima, la sua camba so va. Oh, Non, mets-toi de l'autre côté. Mets-toi à côté d'Anne. Yo, je te réveille. Maman, j'ai un moment. Ah, je parle. Oh, ton père, c'est trop bien, il faut tout dire. Anne, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, oui, papa. Stéphane. Oh, tu vois, c'est ça. Stéphane. Hein? Regarde papa. Tu vois? Fais un coucou, papa. Coucou. Fais coucou à papa. Fais coucou, papa. Coucou. Coucou. Ouais, coucou. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Là, tu fais coucou, tu te caches contre maman. Mais tu enlèves les mains, sinon papa, il ne te voit pas. Sors du champ, maman. Recule. Coucou. Non, je suis bien, laisse. Ouais, ouais, on prendra plus tard. Voilà, on va manger maintenant. Dis, tu veux aussi un petit bout de jambon, toi? Tu veux du jambon? Oui, tiens, Anne. Là, il y a un petit bout. Là, faut qu'on le qui mange quelque chose, parce que... Comme un bouchon, je te roule, Gilles. On a Gilles Mireille, non? Oui, je peux. Gilles, tu vas manger ça. Ah, oui, oui, tu veux le bébé. C'est beau, ça, hein? C'est bougie là, et Jane. Comme ça, ça va? Mais non. Mais non? Attends, alors, je vais te faire ça autrement. Ça va. Et toi, debout? Madame, bien le tirer et après tout ça se passe. On va faire un peu de stoule, tu vois. Voilà. Je vais faire un peu de comme ça, c'est bon. Non, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Tiens, je t'écoute pas. Prends une cuisse, papa, ça vient toi. Oui, oui, maman. Oui, mais je te donne une jambe. Ça, c'est pas une méchante dans les émissions, je t'ai fait. Je suis extra. Non, il y a une jambe. Mais maman, tu peux donner une jambe. Il y a deux verres, Nico. Non, c'est du jambon. Non, c'est du jambon. Non, tu n'as pas besoin de manger de champignons. Tu manges pas de champignons. Hein? J'ai l'air obéi. Tu mangeras des frites tout à l'heure? Mais non. Oui. Moi, j'en mange. Mais comment tu passes une tartine? Non. Non, c'est des frites de moule, papa. C'est pas pareil. Non, mais tu n'en auras pas si tu n'en veux pas. Voilà. En avant, monsieur. Ah bah c'est vrai, il est là. Attendez, tu pourras te faire. Hein? Il est bien bronzé, là. Hein? Oui, ben, je suis capable de pour le four, laisse le four ouvert. Oui. Et baisse un peu la température du four. Oui, bah oui, monsieur, ça met un quart d'heure à réagir. Quoi? Bah, il faut la température du four. Non, mais c'est un traître ouvert. Il y a quand même une bonne partie déjà qui va, la charge qui va s'échapper. Vous voulez du pain? Oui, moi aussi. Ça peut être un peu. Je c'est bien. Ma mère, elle veut de l'eau, du perrier. Anne, tu bois du blanc? Oh, tu bois du blanc. Non. Rona? Oui. Hop là. Papa, vais je Rona? Qui passe dans la classe? Ah, c'est lui, là. Courage, je te passe, il y a quand même. Je suis plus que rôle. Non, non, il est là. Il y en a un là. Toi aussi? Moi aussi, du vin. C'est pas bon. T'as marqué. C'est pas tellement bon. Tu bois un petit coup de vin rouge. Ah, je suis le père, mais le rôle, ça va. Ça va pas. Ça va pas. Tu bois un petit coup de vin rouge. Je marque ta stomme au verre. Ah, tu manges bien les gens encore, hein? Autant. Ah, c'est parce qu'il devine. Ça sent le schmittos. C'est du gruyère qui est gratiné. Ah, des belles. Des belles. Oh, le là, qui t'a pris ça. Je te vois. Je l'ai pas capoté. Je te l'ai fait, je t'ai pris ça. C'est un trop gros bout de la fourchette. Incroyable. Prends les petits petits bouts. C'était dur, mec. Hein. D'abord c'est mon bébé. Hein? C'est mon début. Oui. Tu vas tuer un pain? Non. Il est dans sa classe. Allez, je vais tuer. Tu veux voir la mettre à couteau? Hein? Tu veux la couteau?